La ville maudite par Émile Souvestre. Dans les temps anciens, il y avait en Cornouailles un roi puissant qui se nommait Gralon. C'était un homme aussi ami du bien qu'aucun fils d'Adam, et qui accueillait à sa cour tous les gens de renom, qu'ils fussent nobles ou roturiers. Malheureusement, il avait pour fille une princesse de conduite déréglée, qui, pour échapper à sa surveillance, était allée habiter Kéris, à quelques lieues de Quimper. Un jour que le roi Gralon chassait avec sa suite dans une forêt placée au pied du Ménéum, ils se perdirent et arrivèrent tous à l'ermitage du solitaire Corentin. Gralon avait entendu parler de ce saint homme, et il se réjouit d'avoir été conduit jusqu'à sa demeure. Mais ses serviteurs, qui mouraient de faim, regardaient d'un air triste la pauvre logette du saint, en se disant l'un à l'autre qu'il faudrait souper d'oraison. Corentin, éclairé par Dieu, devina leurs pensées. Il demanda au roi s'il ne voulait point accepter une collation, et comme Gralon répondit qu'il n'avait rien mangé depuis le chant du coq, le saint appela les chansons et le cuisinier pour préparer un bon repas après une si longue abstinence. Il les conduisit tous deux à la fontaine placée près de son ermitage, remplit d'eau la cruche d'or que portait le premier, coupa un morceau du petit poisson qui nageait dans la source pour le donner au second, et recommanda tous deux de mettre le couvert du roi et de sa suite. Mais les chansons et le cuisinier se prirent à rire et lui demandèrent s'il prenait les gens de la cour pour des mendiants, d'oser leur offrir ses arrêts de poisson et son vin de grenouille. Corentin leur répondit de ne s'inquiéter de rien et que Dieu pourvoirait à tout. Ils se décidèrent en conséquence à faire ce qu'il avait ordonné, et à leur grande surprise, les prévisions du saint se réalisèrent. Car d'un côté, l'eau qui avait été puisée dans la cruche d'or se changea en un vin aussi doux que le miel et aussi chaud que le feu, tandis que de l'autre, le petit morceau de poisson se multiplia de manière à rassasier deux fois plus de convives que le roi n'en avait à sa suite. Gralon fut averti de ce miracle par ses deux serviteurs qui lui montrèrent, pour surcroît de merveille, le petit poisson dont Corentin avait coupé une partie nageant dans la fontaine, aussi sain et aussi entier que si le couteau du saint ne l'eût jamais touché. À cette vue, le roi de Cornouailles fut saisi d'admiration et il dit à l'ermite « Homme de Dieu, ce n'est pas ici votre place, car votre maître et le mien a défendu de garder la lumière sous le boisseau. Vous allez quitter cet ermitage pour venir à Quimper, où je vous nomme évêque. Mon palais vous servira de demeure, et toute la ville vous appartiendra. Quant à vos disciples, je leur bâtirai un monastère à Landvenner, et vous en nommerez vous-même l'abbé. » Le roi tint sa promesse, abandonna sa capitale au nouvel évêque, et alla habiter la ville d'Is. Celle-ci s'élevait à la place même où vous voyez aujourd'hui la baie de Douarnenez. Elle était si grande et si belle que pour faire l'éloge de la capitale des Gallos, les hommes de l'ancien temps n'ont rien trouvé de mieux que de l'appeler Paris, c'est-à-dire l'égal d'Is. Elle était plus bas que la mer et défendue par des digues dont on ouvrait les portes à certains moments pour faire entrer et sortir les flots. La princesse d'Ahu, fille de Gralon, portait toujours suspendue au cou les clés d'argent de ses portes, ce qui fait que le peuple l'appelait la princesse Alcuèze ou plus brièvement Aèze. Comme c'était une grande magicienne, elle avait embelli la ville d'ouvrage que l'on ne peut demander à la main des hommes. Tous les corrigans de Cornouailles et de Vannes étaient venus, sur son ordre, pour construire les digues et forger les portes qui étaient de fer. Ils avaient couvert le palais d'un métal semblable à l'or, car les corrigans sont d'habiles faux monnayeurs, et entouraient les jardins de balustrades qui brillaient comme de l'acier poli. C'était eux qui soignaient les écuries de Dahu, pavées de marbre noir, rouge ou blanc, selon la couleur des chevaux, et qui entretenaient le port où l'on nourrissait les dragons marins. Car Dahu avait soumis par son art les monstres de la mer, et en avait donné un à chaque habitant de Kéris, qui s'en servait comme d'un coursier pour aller chercher au-delà des flots les marchandises rares ou pour atteindre les vaisseaux des ennemis. Aussi, tous ces bourgeois étaient si opulents qu'ils mesuraient le grain avec des hanapes d'argent. Mais la richesse les avait rendus vicieux et durs. Les mendiants étaient chassés de la ville comme des bêtes fauves. On ne voulait avoir partout que des gens gais, bien portants et vêtus de drap ou de soie. Le Christ lui-même, s'il fût venu en habit de toile, eût été repoussé. La seule église qu'il y eut dans la ville était si délaissée que le bedeau n'avait perdu la clé. L'ortie poussait sur le seuil et les hirondelles nichaient contre les joints de la porte d'entrée. Les habitants passaient les journées et les nuits dans les auberges, les salles de danse, les spectacles, uniquement occupés de perdre leur âme. Dahu donnait l'exemple. C'était jour et nuit, fête dans son palais. On voyait arriver des pays les plus éloignés, des gentilshommes et jusqu'à des princes, attirés par la renommée de cette cour. Gralon les recevait avec amitié, et d'ailleurs encore mieux. Car si c'étaient des jeunes gens de belle apparence, elle leur donnait un masque magique avec lequel ils pouvaient, dès le soir, la rejoindre secrètement dans une tour bâtie au bord des écluses. Ils y restaient avec elle jusqu'à l'heure où les hirondelles de mer recommençaient à passer devant les fenêtres de la tour. Alors, la princesse leur disait bien vite adieu, et pour qu'ils pussent sortir sans être vus comme ils étaient arrivés, elle leur remettait le masque enchanté. Mais cette fois, il se resserrait de lui-même et les étranglait. Un homme noir prenait alors le corps mort, le plaçait en travers sur son cheval, comme un sac de mouture, et allait le jeter au fond d'un précipice, entre Elguat et Poulaouen. Ceci est bien la vérité, car aujourd'hui même, pendant les nuits sombres, on entend au fond de la ravine les plaintes de leurs âmes. Que les chrétiens pensent à elles dans leurs prières. Corentin, instruit de tout ce qui se passait à Kéris, avait plusieurs fois averti Gralon que la patience de Dieu était à bout. Mais le roi avait perdu sa puissance et vivait seul dans une des ailes du palais, abandonné de tout le monde, comme un grand-père qui a livré son héritage à ses enfants. Aussi Dahu ne tenait-elle nul compte des menaces du saint. Or, un soir, qu'il avait fête chez elle, on vint lui annoncer un prince puissant, venu des extrémités de la terre pour la voir. C'était un homme de grande taille, tout vêtu de rouge et si barbu, qu'on apercevait à peine ses deux yeux, qui brillaient comme des étoiles. Il adressa à la princesse un compliment en rime si bien tourné, qu'un basse-valaine de Cornouailles n'eût pu en inventer de pareil. Puis il se mit à parler avec tant d'esprit que tout le monde en demeura émerveillé. Mais ce qui frappa surtout les amis de Dahu, ce fut de voir combien l'étranger était plus habile qu'eux dans le mal. Il savait non seulement tout ce que la malice humaine a inventé depuis la création, dans toutes les terres habitées par des êtres parlants, mais tout ce qu'elle inventera jusqu'au moment où les morts se lèveront de leur tombe pour être jugés. Aès et les gens de sa cour reconnurent qu'ils avaient trouvé leur maître et tous résolurent de prendre des leçons du prince barbu. Pour commencer, celui-ci leur proposa un branle nouveau qui n'était autre que le passe-pied dansé en enfer par les sept péchés capitaux. Il fit entrer pour cela un sonneur qu'il avait amené avec lui. C'était un petit nain vêtu d'une peau de bouc et qui portait sous son bras un biniou dont le chalumeau lui servait de pain base. À peine se fut-il mis à sonner, que Dahu et ses gens furent saisis d'une espèce de frénésie et se mirent à tourner comme des tourbillons de mer. L'inconnu en profita pour enlever à la princesse les clés d'argent des écluses et pour s'échapper de la fête. Pendant ce temps, Gralon était seul dans son palais situé à l'écart. Il se tenait dans une grande salle obscure et il était assis sur l'âtre près d'un feu éteint. Il sentait la tristesse lui tomber dans le cœur lorsque tout à coup la porte s'ouvrit des deux côtés et Saint Corentin parut sur le seuil avec un cercle de feu autour du front, la crosse d'évêque à la main et marchant dans un nuage de parfum. « Levez-vous, grand roi, dit-il à Gralon, prenez ce qui vous reste ici de précieux et fuyez, car Dieu a livré cette ville maudite aux démons. » Gralon, effrayé, se leva aussitôt, appela quelques vieux serviteurs, et après avoir pris son trésor, il monta son cheval noir et partit à la suite du saint qui glissait dans l'air comme une plume. Au moment où il passait devant la digue, il entendit un grand mugissement de flots et aperçut l'étranger barbu qui avait repris sa forme de démon, occupé à ouvrir toutes les écluses avec les clés d'argent enlevées à Dahu. La mer descendait déjà sur la ville en cascade. Il voyait les flots élever leurs têtes blanches au-dessus des toits, comme s'ils montaient à l'assaut. Les dragons, enchaînés dans le port, mugissaient de terreur, car les animaux aussi sentent la mort venir. Gralon voulut jeter un cri d'avertissement, mais Corentin lui répéta de fuir, et il s'élança au galop vers le rivage. Son cheval traversa ainsi les rues, les places, les carrefours, poursuivi par les flots, et toujours les pieds de derrière dans la vague. Il passait devant le palais de Dahu, lorsque celle-ci parut sur le perron, les cheveux épars comme une veuve, et s'élança derrière son père. Le cheval s'arrêta subitement, fléchit, et l'homme monta jusqu'au genou du roi. « À moi, Saint Corentin » cria-t-il, épouvanté. « Secouez le péché que vous portez derrière vous, » répondit le saint, « et par le secours de Dieu, vous serez sauvé. » Mais Gralon, qui malgré tout était père, ne savait à quoi se résoudre. Alors Corentin toucha avec sa crosse d'évêque l'épaule de la princesse, qui glissa dans la mer et disparut au fond du gouffre, appelé depuis le gouffre d'Aès. Le cheval, ainsi délivré de son fardeau, s'élança en avant et atteignit le rocher de Garreg, où l'on voit encore la marque d'un de ses fers. Le roi tomba d'abord à genoux pour remercier le ciel, puis se retourna vers Kéris afin de juger le danger auquel il avait miraculeusement échappé. Mais il chercha en vain l'ancienne reine des mers. Là où il y avait, quelques instants auparavant, un port, des palais, tant de richesses et de milliers d'hommes, on ne voyait plus qu'une baie profonde qui reflétait les étoiles. Tandis qu'à l'horizon, debout sur le dernier débris des digues submergées, l'homme rouge montrait les clés d'argent avec un geste de triomphe. Plusieurs forêts de chênes ont eu le temps de naître et de mourir depuis le jour où arriva cet exemple. Mais les perles ont raconté aux enfants d'âge en âge jusqu'à notre temps. Avant la grande révolution, le clergé des paroisses riveraines s'embarquait, tous les ans, dans des canots de pêcheurs et allait dire la messe sur la ville noyée. Depuis, cet usage s'est perdu avec beaucoup d'autres. Mais quand la mer est calme, on aperçoit encore au fond de la baie les restes de la grande cité et les ruines d'alentour sont pleines de débris qui résultent de ses richesses. Ainsi s'achève La ville maudite par Émile Souvestre.